L'initiation solaire, c'est comme c'est totalement l'autre processus. Ce qui fait justement que ça pourrait à un moment donné aboutir à une humanité un peu différente, qui n'aura pas besoin justement d'aller se faire initier par des chamans, puis de prendre des substances psychotropes pour s'ouvrir les centres, parce que justement, le fait que c'est ceux d'en haut qui sont ouverts en premier, ben, ça fait en sorte que le processus est inversé. Donc, au lieu de se faire ouvrir les centres pour ensuite apprendre à empêcher certaines choses de s'engouffrer dedans, ben, c'est le contraire, c'est-à-dire le discernement va apparaître en premier, puis après, ça s'ouvre. Donc, la personne va être capable de rayonner, d'émettre un champ qui va tenir à distance certaines choses. Donc, l'affaire de la Kundalini, pour moi, c'est sûr, c'est les vieilles écoles initiatiques, c'est des choses qui font partie d'un cycle qui s'achève. Donc, ça va sûrement, il va y avoir une resurgence de ces choses-là, c'est certain. C'est comme les derniers soubresauts de quelque chose qui est en train de mourir, un peu comme un patient qui fait des convulsions. Donc, c'est encore plus fort à la fin. C'est pour ça qu'on parle d'une fin de cycle. Ben, l'énergie va aller selon son appointement, dans le sens que un contenant qui est assez dense, qui a une capacité de support, ben, ça va contenir. Ben, un contenant qui n'a pas de contenance, ça peut aspirer un temps, mais bon.